sens qui te mettent KO. Blow to bar. Tu crois que ça part dans tous les sens, mais y'a toujours un fil conducteur et c'est ce qui fait palpiter mon show. Blow to bar. Mon rap reste collé à la rue, même si je monte, goûte à la réussite. Mes textes, c'est pas pour faire semblant. Blow to bar. Si tu connais ce créneau bien comme il faut, si t'as vu ce que j'ai vu, tu seras de vivre, c'est un sport sanglant. J'fête l'anniversaire de ma bouche devenue une arme. Installe un malaise, mais fais plaisir à ceux qui rappent. Car nous, de retour à la charge, j'ai jamais lâché l'affaire chaque jour. Sport, j'ai fait mon parcours. Un parcours boycotté dans tous les sens. On voulait diminuer mes chances, mais pense qu'à force se lance nos propres résistances. Armés jusqu'au temps de morceaux. Maintenant, prêt, Dieu merci. Avec Dina de Marsa, mon premier maxi. Blow de sport pour annoncer mon prochain album. Discipline, sincérité, affûtage de fond et de forme. Je laisse la couleur et l'odeur de ma vie imprégner mes disques. Toutes ces phrases que j'ai cherchées pour persuader que j'existe. Tant de feuilles fragilisées aujourd'hui, gravées à jamais dans ce crâne chauve qu'on a voulu volontairement éclater. Pendant que je suis encore là à raconter ma face balafrée, j'en crée mon taf. Ouais, toute ma vie est enregistrée. Blow to sport. Lorsque la vérité éclate, les mots se bousculent, forment des coups sûrs puissants qui te mettent KO. Blow to sport. Tu crois que ça part dans tous les sens, mais y'a toujours un fil conducteur et c'est ce qui fait palpiter mon show. Blow to sport. Mon rap reste collé à la rue, même si je monte, goûte à la réussite. Mes textes, c'est pas pour faire semblant. Blow to sport. Si tu connais ce créneau bien comme il faut, si t'as vu ce que j'ai vu, tu seras de vivre, c'est un sport sanglant. La vie me fait peur, mais en même temps me fascine. J'ai vu la curiosité nous apprendre, j'ai vu celle qui nous assassine. Aujourd'hui, on crève à 16 ans, d'autres mûrissent à 30. Tu leur donnes qu'elle a joué fait, ils méritent pas une trompe. Et comme la haine augmente, mes textes augmentent, t'en alimentent. C'est vrai, ils sentent en passant de bagne à Nantes. Alors on prend des risques et piste nos vies tristes. Et on persiste, mais on sait qu'on est pisté. Classé hors piston, taf au black piston. Et on se débrouille puisqu'on n'a pas besoin de piston. J'taffe avec mon pote, tout ça pour amener le corps. Derrière les gardiens du rap, tous on s'accorde. Et on s'accroche face à la difficulté qu'on va devoir croiser à chaque étape. C'est décidé, on va se battre. Blow to sport. Lorsque la vérité éclate, les mots se bousculent, forment des coups sûrs puissants qui te mettent KO. Blow to sport. Tu crois que ça part dans tous les sens, mais y'a toujours un fil conducteur et c'est ce qui fait palpiter mon show. Blow to sport. Mon rap reste collé à la rue, même si je monte, goûte à la réussite. Mes textes, c'est pas pour faire semblant. Blow to sport. Si tu connais ce créneau bien comme il faut, si t'as vu ce que j'ai vu, tu seras que vif, c'est un sport sanglant. Ici le sang monte à la tête vite fait. Une accumulation de pression et tout, c'est loin d'être parfait. Et parfois, on en perd sa propre conscience et on s'enfonce. Les autres se marrent et nos sourcils se froncent. T'attends que je te dise qu'ici c'est le pire et que tout le monde se tue. Est-ce que sur mon front t'as vu marqué acteur de vécu? Quand je dis vive, c'est un sport sanglant. C'est de me dire que j'ai pas tout vu alors que j'ai des souvenirs terrifiants. Je rigole au pif de ceux qui font les blases et devant ces choses qui marquent un homme. En tout cas, j'en ai fait un nouvel album. Je m'en suis fait du mauvais sang pour ça. J'ai encore appris à me connaître, ainsi que les décors autour de moi. Blow to sport. Lorsque la vérité éclate, les mots se bousculent, forment des coups sûrs puissants qui te mettent KO. Blow to sport. Tu crois que ça part dans tous les sens, mais y'a toujours un fil conducteur et c'est ce qui fait palpiter mon show. Blow to sport. Mon rap reste collé à la rue, même si je monte, goûte à la réussite. Mes textes, c'est pas pour faire semblant. Blow to sport. Si tu connais ce créneau bien comme il faut, si t'as vu ce que j'ai vu, tu seras vif, c'est un sport sanglant.